À l'occasion de la Journée du Soleil et du 7e Congrès du Parti du Travail de Corée, la maison d'édition nationale d'Angolin a publié en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire Juche, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti. Ensuite, à l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, l'Association britannique d'études de la politique du Sungun l'a inséré dans son homepage d'Internet. Le Cercle allemand d'études de la culture de la Corée a présenté dans le homepage d'Internet de l'agence de tourisme allemand MS les œuvres classiques du maréchal Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire Juche, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti, et le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple. L'Association britannique d'études de la politique du Sungun a présenté dans son homepage d'Internet la photo du maréchal Kim Jong-un.